Alors, s'engorger, c'est-à-dire que bon, il y a, au lieu que les produits et les marchandises circulent librement dans les conduits, de temps en temps, ça bouchonne à un endroit. Et quand ça bouchonne à un endroit, ça entraîne une panique absolument générale. C'est-à-dire que les petits regards de visite sautent, la farine sort, le sang sort, tout sort, les courroies sortent. C'est une catastrophe, ce qui signifie qu'ensuite, pour remettre le moulin en état de marche, ça peut prendre des heures. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter que le moulin ne s'engorge. Alors, deux solutions pour éviter ça. La première, si vous voulez, au départ, quand nous étions alimentés en énergie électrique par l'énergie de la turbine, l'intensité lumineuse était le témoin de la bonne ou de la mauvaise marche du moulin. C'est-à-dire que lorsque l'intensité lumineuse commençait à chuter, ça voulait dire qu'il y avait un problème au moulin, son lampe partait vite et il fallait arriver à trouver le problème et à le résoudre avant qu'il ne prenne ses proportions catastrophiques au niveau des trois étages du moulin. Ça, c'était la première chose. Et après, il y a ce qu'on appelle, alors on appelait ça un intendant, on appelle un intendant sans doute parce qu'un intendant, ça gère, ça surveille, mais ce sont des massolottes qui sont significatives du rythme de la minoterie, et quand ce rythme n'est plus ce qu'il devait être, elle sonne. Et à ce moment-là, moi je me souviens, mon père quittait tout, là il faut partir dans les 10 secondes. Et c'est vrai, j'ai fini, mais si on arrive assez tôt, on peut régler le problème avant qu'il ne prenne des proportions trop importantes, qu'on soit obligé d'arrêter le moulin. Mon père et les meuniers savaient très bien que quand il y avait un problème, le problème pouvait être oula, oula, oula, oula. Donc je suppose que par ordre de priorité, ils allaient voir tel endroit, tel endroit, tel endroit, et immédiatement ils arrivaient à régler les choses. J'ai rarement vu, je n'ai jamais vu ni mon père ni mon grand-père perplexe devant le moulin qui se mettait à foirer, qui se mettait à tourner n'importe comment, ouais, pas du tout. Ils savaient toujours où était le problème. Là, le tout, c'était d'arriver suffisamment tôt pour le régler avant qu'il ne dégénère et ne prenne des proportions énormes.